Go back to bed, America. Your government is in control. Alors, un paradis fiscal, c'est quoi? Le capitalisme est en train de développer d'effrayantes contradictions. On a vraiment un pouvoir mondial qui est entre les mains d'une poignée de riches. Si on n'y prend pas garde, ces contradictions vont atteindre un jour un point de rupture. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. Que l'économie doit être au service du reste des liens humains. C'est une rengaine que de parler de la toute-puissance de l'argent. Il est facile d'appeler rengaine la constatation obstinée d'une évidence. Bonjour à tous, ici David Lemelin, bienvenue à Econophile. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Econophile est bien présent aussi sur les internets, les réseaux sociaux, bien entendu. Donc, vous pouvez nous trouver sur Facebook, aller aimer la page. Ça fait du bien à toute l'équipe, que je salue d'ailleurs. Ben, salut. Et sur Facebook, donc, facebook.com/Econophile891. Et puis, vous trouvez le blog de l'émission, bien entendu, sous le bandeau. D'ailleurs, on voit le bouton « En savoir davantage ». Vous cliquez là-dessus et hop! Vous vous retrouvez sur le blog. Vous voyez la balado qui donne accès aux trois dernières émissions et puis des textes inspirés des livres que nous présentons. Chaque texte contient la référence du livre en question au cas où vous seriez à contre-courant d'étant le genre à lire des livres. Ça ressemble à ça, la réalité, à moins que je me trompe. Mais malgré l'incroyable contexte nord-américain, nous aurons une très très belle et bonne émission. Je vous fais la lecture d'extrait du livre « La dette du Québec, vérité et mensonge ». C'est écrit par un collectif d'auteurs d'Attaque Québec. Ça sonne agressif, là, mais ça l'est pas du tout. En fait, il s'attaque justement au mensonge, à la bêtise aussi. Et Attaque, c'est pour l'Association québécoise pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Le genre d'association ben désagréable qui pense que ceux qui font de l'évitement fiscal et qui fraudent ben devraient payer leur dû. C'est bien terrible. Et c'est un livre qui se lit, je vous le dis, là, tellement facilement. C'est intelligent, c'est documenté, surtout nécessaire, vital, je dirais. Un livre qui déboulonne les mythes entourant la dette, notre terrible dette, en parlant de plusieurs facettes de la dette, et pas juste le foutu cadran de la dette qui monte sans arrêt. Là, on est vraiment loin de ça. Et pour en parler, je discute avec un de ses auteurs, président d'Attaque Québec, qui s'appelle Claude Vaillancourt. C'est une discussion pertinente et qui replace les priorités aux bonnes places. Alors, bonne émission. They come from everywhere to take the challenge. Great ball of fire. My eyes adored you. That's it. Do that to me one more time. Yes. Tonight's the night. Yes, ma'am. And if they can name it, they can claim it. Road 66. Alors, on revient chez nous, hein? On va essayer de parler de nous-mêmes, parlons de la dette, de notre fameuse dette. Et pour placer les choses en partant, je vais vous lire une large partie de l'introduction qui met vraiment parfaitement la table pour tout ça. Alors, notre dette, hein? Est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que c'est exagéré? Est-ce qu'on est pris à la gorge? Est-ce qu'on est comme la Grèce? Est-ce qu'on va faire faillite? Faut-il tout donner au privé qui gère tellement plus mieux? Eh bien, pour parler de la dette, en introduction, les auteurs écrivent ceci. On nous dit beaucoup de contre-vérités sur la dette publique au Québec. Par exemple, on nous assure que nous serions tellement endettés que nous n'aurions plus les moyens de nous payer des services publics de qualité ou de bons programmes sociaux. Pour remédier à cet état de fait, il faut mettre en œuvre de sévères mesures d'austérité. Chaque déficit supplémentaire alourdit notre dette d'un poids de moins en moins supportable. L'affaire est presque devenue un rituel. Dès qu'un gouvernement prend le pouvoir, il découvre un déficit beaucoup plus élevé que prévu. C'est vrai, ça. Ce déficit fera augmenter la dette dans des proportions inquiétantes et dangereuses pour la bonne gestion de l'État, ce qui l'oblige à revoir à la baisse les promesses électorales et à adopter un plan économique contraignant basé sur la rigueur budgétaire. Il devient alors essentiel de comprendre en quoi consiste au juste notre endettement afin de pouvoir contrer les arguments invoqués en faveur de mesures budgétaires adoptées d'une année à l'autre qui vont toujours dans le même sens, sabrer le plus possible les services offerts à la population. Pourtant, on la connaît très mal, cette dette publique, ce qui donne toute la place aux individus qui se servent d'elle pour alarmer la population. Ces gens la présentent comme un épouvantail. Des chiffres astronomiques montrent à quel point elle est élevée, à quel point elle croît de façon vertigineuse chaque minute. On répète que cette dette est un fardeau pour les citoyens, que chaque enfant qui naît a déjà sur les épaules une dette considérable, et que si on ne fait rien, ce sont les générations futures qui devront payer la facture. Rembourser la dette devient alors une question d'équité générationnelle. Pour la diminuer, un seul choix s'impose, celui de sabrer dans les dépenses publiques que l'on a laissées s'accroître de façon irresponsable, lesquelles ont trop souvent profité à des gradures, fonctionnaires, bureaucrates, profiteurs sur le bien-être social et autres parasites, ce qu'on ne peut plus se permettre maintenant. L'exemple du bon père de famille est souvent utilisé. Une gestion responsable du budget nécessite que l'on ne dépense pas plus que ce que l'on gagne, point la ligne. Il y a certains de mes mots qui sonnaient comme Lucien Bouchard, on aurait dit. Hein, c'est, on ne peut plus se permettre ça, là. Franchement, il faut faire de quoi, là? Faut être sérieux, là, franchement. Donc, c'est ça. C'est une idée des plus répandues. Il faut gérer la dette comme un bon père de famille, là, ou comme une entreprise. Sauf que c'est pas comme ça que ça marche. C'est faux, ça. Pour deux grandes raisons. D'abord, il faut, comme personne, là, vous pouvez faire faillite. Une entreprise, ça peut faire faillite. Mais un État, c'est plutôt rare. Donc, ça fait partie des acteurs économiques les plus stables. Donc, on compare des pommes puis des 2x4, finalement. Il n'y a pas de lien. Deuxième raison aussi, dans 70 ans, la plupart des gens qui écoutent, dans 70 ans, moi, là, vous serez plus là, on ne sera plus là. Mais je vous annonce que le Québec va être encore là. Donc, autrement dit, vous, parce que vous allez mourir un jour, vous vous dites, ben, je ne peux pas passer ma dette à mes enfants, j'ai un temps X pour payer. Une ville, ça ne meurt pas. Un pays, ça ne meurt pas. Donc, on peut faire des emprunts et répartir sur le long terme. Ce n'est pas un crime, c'est intelligent. Et c'est plus équitable aussi, parce que des infrastructures dont tout le monde profite pendant des décennies, ben pourquoi ce serait à une seule génération de le payer? Pourquoi on coincerait à mort une génération pour que les autres paient rien? C'est pas comme ça que ça marche. On travaille, on paye des impôts pour que les infrastructures soient construites et par la suite entretenues, pour que ça dure. Comme ça, ben on répartit sur plusieurs années les coûts d'un équipement qui sert à plusieurs générations. C'est équitable, c'est plus facile à gérer, c'est plus responsable. Ceux qui disent le contraire font de la démagogie. Pas de la saine gestion, ni de l'économie d'ailleurs, de la démagogie ou du Trumpisme, si vous voulez. Première partie donc de l'entretien avec Claude Vaillancourt, co-auteur du livre. Ici, il nous parle de la dette comme un outil politique, parce que c'est pas mal ça, un outil idéologique, et on aborde aussi la question du fameux compteur de la dette, qui est une supercherie totale. Ce qu'on comprend de ça, notamment, à mon avis, c'est que c'est un peu beaucoup un outil politique, la dette. Ah ben oui, ça c'est clair. Ça a été utilisé d'ailleurs de toutes les époques. Hein. Par exemple, quand Haïti a déclaré son indépendance, eh bien, ce qu'on a voulu faire pour se venger un petit peu, ben on a dit vous avez une dette de temps. C'est une dette qui était astronomique, puis ça les a suivis pendant des années et des années. Les empires coloniaux aussi, ça fonctionnait comme ça. On endettait une colonie, puis ensuite on avait le prétexte pour faire des invasions militaires. Ça a été comme ça en Égypte, ça a été comme ça au Mexique. Puis dans les années 80-90, là, c'était dans les pays du Sud, hein, c'est les fameux programmes d'ajustement structurel. On dit vous êtes hyper endetté, on va vous prêter de l'argent pour payer votre dette à condition, donc c'est des prêts conditionnels qu'on transformait carrément le rôle de l'État, qu'on prenait un contrôle littéralement de l'économie. Là. Donc on voit que c'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est même quelque chose qui est extrêmement fréquent dans l'histoire. Et ça a pris du temps avant qu'on fasse ça dans les pays du Nord. Hein. Ça, il a fallu attendre la fameuse crise de 2007-2008. Pour que certains pays se révèlent très, très endettés à cause de ça, comme la Grèce, par exemple, et les pays du sud de l'Europe, on leur impose le même type de plan d'ajustement structurel qu'on appelle maintenant des politiques d'austérité. Et ça se rend finalement jusqu'au Québec, jusqu'à chez nous. On sert maintenant depuis quelques années de la dette pour dire qu'il faut absolument couper dans les services publics, couper dans les programmes sociaux. Donc on voit que c'est quelque chose qui est absolument pas nouveau. C'est pas nouveau, mais en même temps, ça sert effectivement d'outils politiques pour, au fond, réorienter un peu les choses, c'est-à-dire que vous l'avez évoqué, là. Oui. Dans le fond, on va exagérer le poids ou ce que ça peut représenter la dette pour avoir comme objectif celui de délester les services publics puis réorienter vers le privé notamment. C'est un peu ça l'idée. Oui, tout à fait. Puis c'est très efficace parce que c'est logique. Hein? Les gens disent, écoutez, si on est endetté, c'est donc parce qu'on a trop dépensé. Hein? Alors ça, c'est vraiment impeccable comme raisonnement, même si dans le fond, c'est pas ça. Là. Mais on va s'en prendre à quoi? Donc, on va s'en prendre aux dépenses de l'État. Les dépenses de l'État, qu'est-ce que c'est? C'est les services publics et c'est les programmes sociaux. Donc, on va couper là-dedans. Mais le problème, c'est que les services publics, les programmes sociaux, c'est absolument essentiel. Si on n'a pas une éducation de qualité, on peut pas performer en tant qu'État, alors qu'on n'arrête pas de nous dire que la concurrence est féroce entre les pays. Si on n'a pas de quoi assurer des soins de santé corrects à nos populations, mais c'est vraiment inquiétant, c'est un recul majeur. Et effectivement, là, on va dire, ben écoutez, si l'État ne peut pas le faire, le privé va le faire. Mais si le privé le fait, il ne fait pas du tout avec la même optique qu'il fait dans le but de réaliser des profits, tandis que l'État le fait avec une mission de service public. Et c'est pas du tout la même chose, hein, au niveau de l'accessibilité, par exemple. On risque de se retrouver avec un système à deux vitesses, mais c'est déjà pas mal commencé, malheureusement. Donc, il faut revenir avec un système qui assure une meilleure répartition de la richesse. Puis pour ça, je pense qu'il faut réfléchir à notre question de la dette, se dire, ben qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est quoi notre dette, finalement? Est-ce que c'est si important que ça? Et c'est ça qu'on a essayé de faire dans ce livre-là. Et vous le faites en partie, en tout cas, en disant notamment que on vous sort l'argument, ah oui, ben il faut gérer comme une entreprise, dans le fond, l'État, pourquoi pas gérer comme un bon père de famille, comme on dit. Or, vous le dites bien dans le bouquin, on parle pas de la même chose. Ben non, l'individu est mortel, une entreprise peut faire faillite, on parle pas de la même affaire avec un État, là. Ben c'est ça, exactement. Il y a deux différences fondamentales. La première différence, c'est qu'effectivement, les individus meurent, les entreprises doivent faire faillite, ça vous l'avez très bien dit. Mais l'autre différence aussi, c'est que l'État peut aller chercher les revenus dont il a besoin. Hein. Alors, c'est clair que si l'État a besoin de plus, ben il y a la possibilité d'aller en chercher plus. Tandis que le père de famille ne peut pas dire ça me prendrait le double là, de mon salaire pour arriver à mes besoins. Alors, évidemment, ça ne marche pas comme ça. Et ce qu'on a observé dans ce livre-là, puis on n'est pas les seuls à l'observer, c'est de voir à quel point, aussi bien l'État québécois que canadien, les deux, hein, c'est important de le mentionner, ont choisi dans les 10-15 dernières années de se priver de revenus. Et c'est des milliards de revenus. C'est vraiment des sommes colossales. On va le faire en baisse d'impôts. On va énormément baisser l'impôt des entreprises. Au Canada, on est rendu un des taux les plus bas dans les pays du G7. On va aussi favoriser, je pense que le terme n'est pas trop fort, favoriser l'évasion fiscale et l'évitement fiscal. Donc, on va rendre les paradis fiscaux beaucoup plus accessibles. Donc, toutes sortes de choses qui vont faire que finalement, on va se priver de sommes colossales. Puis après ça, on dit, ben écoutez, on n'a plus d'argent, la dette est épouvantable et puis à ce moment-là, il faut couper dans les services publics. Donc, il y a un mauvais raisonnement là-dedans. Il y a toutes sortes d'autres façons de combattre la dette, si problème de la dette on avait, parce que ça aussi c'est discutable, là. Donc il y a toutes sortes d'autres façons que celles de couper dans ce que l'État peut offrir à la population. Une des choses que vous faites dans le livre, c'est que vous attaquez au fameux compteur de la dette. Qu'est-ce que vous avez à dire à ceux qui disent « Oui, mais je l'ai regardé, le fameux compteur de la dette, c'est épouvantable. » Ah oui, c'est sûr que c'est fait pour être épouvantable, et je pense que c'est une belle réussite. Il faut donner ça à l'Institut économique de Montréal. Pour faire peur aux gens, ben, ils ont trouvé un moyen tout à fait impressionnant. Donc, on regarde ça, la vitesse à laquelle les chiffres défilent, puis en plus, la somme élevée, on est rendu à 280 milliards de dollars de dette. C'est vraiment des sommes colossales. Ce qu'on a à dire là-dedans, c'est que premièrement, ça c'est la dette brute. Donc, c'est une dette qui ne veut rien dire parce que ça ne tient pas compte d'une chose fondamentale que les gouvernements ont, c'est des actifs. Dans les actifs, il y a des actifs liquides. Ça veut dire que juste avec ça, là, si le gouvernement vendait tous ses actifs liquides aujourd'hui, des choses qu'il peut vendre là, sur les marchés financiers, bien déjà, ça réduirait la dette d'une façon quand même assez significative. Et aussi, bien, c'est tous les autres actifs qu'on a. L'État québécois n'a pas juste une dette. L'État québécois a énormément de revenus par les impôts, par des entreprises aussi, comme Hydro-Québec, la SAQ, l'Auto-Québec. Donc, c'est des ça veut dire que quand même, il y a peut-être une dette, mais il y a aussi des sources de revenus. Et ce qui est important aussi, c'est de mesurer la dette par rapport au PIB. Et lorsqu'on mesure la dette québécoise par rapport au PIB, ben on se rend compte que par rapport au grand pays, ben on est tout à fait, non seulement dans la moyenne, mais en dessous de la moyenne. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui sont dans des conditions beaucoup plus difficiles que le nôtre. Puis finalement, ce qu'on peut dire, c'est que notre dette, c'est vrai qu'elle est élevée, c'est vrai qu'il faut la payer. Ça, évidemment, on n'est pas du compte de ça, mais elle est actuellement sous contrôle. Elle est bien gérée et il n'y a pas de quoi en faire une espèce de psychodrame national. Pardon, il n'y a pas de quoi non plus se mettre à couper partout aveuglément comme le gouvernement le fait. Et c'est important juste que les gens comprennent, quand on parle de PIB, autrement dit, c'est toute la richesse qu'on est capable de produire. Donc, c'est ce dont on dispose pour être capable de payer cette dette-là. Oui. En termes réels, quand on regarde ce dont on dispose, on a, dans le fond, les moyens de la gérer. D'ailleurs, elle est en contrôle, c'est ce que vous dites dans le livre. Oui, oui, exactement. Oui. Et d'ailleurs, de toute façon, je pense que la question aussi, c'est qu'il y a énormément, beaucoup plus d'argent qui circule actuellement, là, que ce qu'il en faut pour payer la dette. Alors, donc, c'est pas une question d'une dette qui est hors contrôle, qui est pas payable. Au contraire, c'est juste, comment est-ce qu'on répartit la richesse? C'est ça qui est la grande question derrière. Et actuellement, on a décidé d'éliminer le plus possible les grands systèmes de répartition de la richesse. Et qu'est-ce qui en profite finalement? C'est, il faut le dire, les individus les plus riches, le fameux 1%, c'est aussi les grandes entreprises qui payent de moins en moins d'impôts, qui ont accès, comme je le disais tout à l'heure, aux paradis fiscaux. Donc, on peut quand même se poser des questions en tant que société, là, mais comment on va répartir l'espèce de grande cagnotte là, qui existe là? Notre dette pourrait diminuer considérablement si nos gouvernements choisissaient d'aller chercher de l'argent là où il se trouve, auprès de ceux et celles qui en ont le plus. Il s'agirait principalement de revoir la fiscalité, de la rendre plus progressive, de s'attaquer aux évasions fiscales, d'exiger des entreprises une contribution meilleure et plus équilibrée, tout en tenant compte de la concurrence fiscale entre les États qu'il faudrait aussi réduire. Malgré toutes les baisses de revenus qui ont limité le champ d'action de nos gouvernements, notre dette demeure bien administrée et reste moindre que celle de la moyenne des pays de l'OCDE. C'est donc dire qu'en maintenant des revenus plus constants, nous aurions eu entièrement les moyens de nous payer des services publics étendus et d'une grande qualité. La façon de calculer la dette est très importante. Les chiffres ont souvent l'inconvénient de se manipuler facilement. On peut par exemple obtenir comme résultat que pour le Québec, un endettement très élevé, donc alarmant, en ne tenant compte que de la dette brute. Ce calcul ne retient que les passifs et laisse de côté les actifs du gouvernement. La dette nette donne une heure beaucoup plus juste. Elle n'oublie pas les actifs et ne calcule que les véritables engagements financiers de l'État. Et ça, c'est vraiment la subtilité de l'affaire. Elle nous permet de constater que sans nier le problème de l'endettement, le Québec et le Canada ne vivent pas une situation contraignante et difficilement gérable en ce qui concerne notre dette. La dette publique d'un pays ne peut pas être comparée à celle d'une famille puisqu'un État peut difficilement faire faillite, ne meurt pas, peut adopter des politiques économiques à son avantage, a la possibilité de déterminer le niveau de revenu dont il a besoin pour financer correctement les services publics. C'est pour ces services que les citoyens acceptent de payer de l'impôt. Ça fait de la musique. Deuxième partie de l'entretien avec Claude Vaillancourt. Ici, on va parler un peu de... on va parler un peu de Trump. Pas vraiment le choix. De cette idée que baisser les impôts, ça nous enrichit, semble-t-il. Et cette fameuse dette-là, d'ailleurs, à qui on la doit? Pourtant, l'image est encore très forte parce que, regardez juste Donald Trump qui a été élu en bonne partie en disant « je vais baisser les impôts des entreprises, ça va créer plein d'emplois, on va être riche ». Oui. Ça, c'est intéressant parce que effectivement, ça, c'est l'argument qui a été lancé par les conservateurs. Hein. Ils l'ont dit, ça fait plusieurs années, ils ont dit « écoutez, les entreprises canadiennes payent trop d'impôts, alors on va baisser leurs impôts de façon significative ». Donc, c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Et avec ça, ils vont investir cet argent-là, puis le pays va aller mieux parce que notre économie va être plus dynamique. Et là, ça fait plusieurs années. On peut vérifier les effets de ça. Et ça s'est pas du tout passé comme ça. Ça s'est passé, ce que les entreprises ont fait, ils ont généré plus de profits. Ce profit, ils l'ont distribué à leurs actionnaires. Les actionnaires qui ont pris cet argent-là pour aller jouer sur les marchés financiers. Bref, il n'y a rien de ça qui est redescendu à ce qu'on appelle l'économie productive ou l'économie réelle. Donc, on n'en a pas eu les avantages, on en a juste eu les inconvénients parce qu'actuellement, on a un gouvernement qui est obligé de faire des compressions parce qu'il y a moins de revenus. Donc, on voit que c'est un système qui ne marche pas. Et d'ailleurs, si j'étais Américain, je serais extrêmement inquiet parce que déjà, les très riches Américains payent très peu d'impôts. Le gouvernement de Trump a décidé dans ses promesses électorales, que c'est pas encore fait, mais de se priver d'énormément de revenus. Ça veut dire qu'il va être obligé aussi de limiter les services à la population. Donc, on va se retrouver avec une société qui va être encore plus inégalitaire que celle qu'il y a présentement. Et quand on reconnaît que le problème des inégalités est déjà un des problèmes les plus importants des États-Unis, alors j'ai l'impression que ce ne sera pas très drôle après 4 ans de Trump, si bien sûr il décide de réaliser ses promesses. Oui, parce que c'est sûr que baisser les impôts, donc diminuer les revenus, hausser les dépenses en sécurité, ce qui est quand même pas gratuit, c'est la quadrature du cercle. Ça, on espère quelque chose qui peut pas s'avérer. Oui, mais d'ailleurs, justement, il y a plusieurs analystes qui craignent que Donald Trump fasse exploser la dette, que ça soit vraiment un problème sérieux. Il y a quand même une différence, comme je disais tout à l'heure, entre une dette sous contrôle, une dette bien administrée, puis il y a plusieurs critères qui nous permettent de voir ça. Par exemple, lorsqu'un État fait des emprunts, est-ce que son taux d'intérêt est bas? Si les marchés financiers considèrent qu'il y a un risque, à ce moment-là, ils vont hausser le taux d'intérêt de manière significative, ce qui est arrivé à la Grèce. Ce qui n'a pas de bon sens d'ailleurs, parce que certains pays, justement, qui sont dans le pétrin financier, le cas typique de la Grèce, ne peut qu'emprunter qu'à des taux d'intérêt qui sont beaucoup plus élevés que la norme. Donc, ça veut dire qu'on les enfonce dans leur malheur et donc, qui est victime de ça, la population. Oui, il y a ça aussi, effectivement, à des taux d'intérêt très élevés. C'est ça le problème. Mais l'image reste très forte parce que je suis certain qu'on peut facilement encore entendre des gens aujourd'hui dire, notamment, hey, on vit au-dessus de nos moyens. Oui, c'est ça. Oui. Ben c'est comme je disais, hein, c'est l'espèce de logique. Hein. Alors que dans le fond, si on regarde les dépenses publiques, elles n'ont pas du tout augmenté en proportion. Hein. Donc, elles ont augmenté seulement par rapport à l'inflation, mais si on regarde ce que ça coûte dans le fond. Par rapport au budget de l'État, c'est à peu près la même chose. Hein? Alors que ce qu'on devrait faire, c'est investir davantage dans les services publics, surtout après les compressions qu'on a faites, pour lancer ça, parce que la société québécoise est en train de se transformer d'une manière assez négative, c'est-à-dire qu'on est en train d'être une société moins solidaire, une société avec un système de l'éducation qui est rendu problématique, et à peu près tout le monde reconnaît ça, un système de santé à deux vitesses, où les riches se font bien soigner, puis les pauvres... évidemment n'ont pas accès à la même qualité. Alors, est-ce que c'est le type de société qu'on veut avoir? Est-ce que c'est une société où on va avoir avec une espèce de gouffre entre deux catégories de citoyens? Je pense que le Québec s'en est très bien sorti, a réussi à développer la société la plus égalitaire en Amérique du Nord. Mais là, on est en train de se remettre quasiment aux normes américaines, et c'est l'espèce de poids de la dette, finalement, qui est en train de faire cette transformation, dont, je suis sûr, c'était discuté démocratiquement, très peu de personnes seraient prêtes à accepter. Il y a aussi une chose que vous faites dans le livre, c'est de dire, pendant qu'on parle de déficit, on évite notamment de parler de la dette, et on n'explique pas beaucoup la dette. Vous posez la question, à qui la dette? Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment une espèce de flou, un brouillard intense autour de la dette, probablement, peut-être même volontairement, là. Ah, tout à fait. La dette, c'est une espèce de grand trou noir, hein, mais on dit, on sait pas ce qu'il y a dedans, à qui on doit combien, par exemple. Ben, nous, ce qu'on dit, c'est très important, effectivement, de regarder ça. Puis quand on regarde ça, ben, il y a une découverte très intéressante qu'on fait. On se rend compte que la dette, on la doit essentiellement à des Québécois et des Canadiens. Et ça, c'est très important parce que les Québécois et les Canadiens ne serviront pas de la dette pour imposer une façon de gouverner. Hein. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est justement qu'elle soit bien administrée. Alors que si la dette appartient à des étrangers qui vont spéculer, par exemple, sur la dette québécoise ou canadienne, comme c'est arrivé, comme on a spéculé sur la dette grecque, ben à ce moment-là, on risque justement de perdre le contrôle et il risque d'avoir des étrangers qui vont dicter finalement des espèces de politiques à adopter pour une perte d'autonomie. Ce qui est arrivé, encore une fois, à la Grèce, ce qui est arrivé à peu près tous les pays du Sud quand ils ont fait leur plan d'ajustement structurel. Mais là, actuellement, dans l'état de notre dette, ne permettrait pas à des étrangers de faire des interventions aussi radicales sur notre façon de gouverner. Alors ça veut dire, ça c'est un bon signe aussi. Ça veut dire que, dans le fond, en tout cas, on ne peut pas se servir de la dette pour faire des pressions actuellement, des pressions politiques. Donc ça, c'est très important. Et aussi, il faut se poser la question, dans quelles conditions ont été faits les prêts? Est-ce que ça a été fait de manière légitime? Est-ce que ça a été fait de façon légale? C'est intéressant de jeter un regard là-dessus, hein? Et ça, il peut avoir des conséquences que peut-être certains prêts qu'on a faits qui ne sont pas dans les bonnes conditions, mais on pourrait tout simplement ne pas les rembourser. Il y a un grand courant à l'échelle internationale là, qui réfléchit sur la question de la dette illégitime et sur la nécessité de la rembourser. Back to bed, America. Your government is in control. Alors, un paradis fiscal, c'est quoi? Le capitalisme est en train de développer d'effrayantes contradictions. On a vraiment un pouvoir mondial qui est entre les mains d'une poignée de riches. Si on n'y prend pas garde, ces contradictions vont atteindre un jour un point de rupture. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. Que l'économie doit être au service du reste des liens humains. C'est une rengaine que de parler de la toute-puissance de l'argent. Il est facile d'appeler rengaine la constatation obstinée d'une évidence. Moon. Effectivement, c'est l'émission Econophile qui se poursuit au 89.1. Je lis des extraits du livre « La dette du Québec, vérité et mensonge ». Et on comprend depuis tantôt que, dans le fond, la dette est un outil politique, beaucoup. Idéologique aussi, bien sûr. Et c'est un outil qui a des répercussions jusque chez vous, hein, dans vos poches et dans vos choix pour continuer de vivre et d'avancer aussi, d'ailleurs. Là-dessus, l'auteur écrit ce qui suit. Bon extrait à vous lire. Par contre, l'endettement public et les politiques que l'on a choisies pour le combattre ont un effet direct sur l'accroissement de l'endettement des ménages. La tarification plus grande des services publics, la privatisation de plusieurs d'entre eux imposent de nouvelles contraintes financières. Si on ajoute à cela la spéculation immobilière, secteur très déréglementé, et les pressions constantes à la surconsommation, les individus se retrouvent alors dans une situation financière précaire et ont de plus en plus recours à l'emprunt. Ah, on se sent visé, là. L'endettement public ajouté à l'endettement privé donne différentes possibilités de titrisation, oui, aux spéculateurs, que j'adore, qui parient sur des titres parfois suspects, ce qui crée une plus grande instabilité économique favorable à une hausse de la dette publique. La titrisation est une technique financière qui transforme des prêts en actifs financiers, un peu comme si on mettait des dettes dans une boîte et qu'on vendait ces boîtes sur les marchés financiers. Les prêts passent alors entre les mains d'autres personnes que celles qui les ont contractés. Ce marché est attrayant puisque les profits se font à la fois sur les intérêts des prêts et sur la valeur même du titre. Or, il est aussi très risqué. En effet, on l'a goûté. Pendant la crise de 2007-2008, on a vu à quel point l'effondrement des titres sur les hypothèques principalement a mis en péril l'existence de plusieurs grandes banques. Celles-ci ont été sauvées par les États qui se sont endettés à ces fins de façon dramatique et qui refilent maintenant la facture à leur population. Le cercle de l'endettement public et privé peut se transformer en véritable piège. Le gouvernement du Québec a adopté quant à lui une solution originale pour combattre la dette publique. Il a créé le Fonds des générations, dans lequel il s'oblige à déposer d'importants montants. Investis sur les marchés financiers, ces montants permettent de générer des revenus, ce qui diminue la proportion de la dette dans les finances publiques. Cependant, on peut sérieusement douter de l'efficacité de cette mesure alors que les services publics et les programmes sociaux ont grandement besoin d'un financement adéquat. Brandir l'épouvantail de la dette est aussi pour les gouvernements le moyen d'appliquer des mesures d'austérité favorables à une plus grande privatisation des services publics et à une transformation du rôle de l'État, qui se met ainsi davantage au service des entreprises, préférablement celui des citoyens. Certes, il faut avoir une gestion saine de notre dette, et c'est le cas de la dette québécoise, mais il faut cesser d'utiliser la dette pour justifier de détruire un État social dont nous avons impérativement besoin. Il faut agir d'abord et avant tout dans l'intérêt collectif. Très beau texte, franchement, et c'est quand même épouvantable. Il y en a qui spéculent sur le malheur, hein, sur le malheur des autres. C'est exactement ce qui s'est passé en Grèce, d'ailleurs. Ça ruine les chances de remonter. On se défait de nos trésors. La Grèce a été forcée de se départir du transport, de l'énergie, de la loterie nationale, de son patrimoine culturel, même les plages et le littoral du pays. Alors, c'est complètement fou, là. Et la Grèce a dû emprunter pour payer des dettes plus chères. Et les prêteurs, dont l'Allemagne, ont fait des profits sur son dos. Parce qu'avec l'argent, ben, la Grèce devait rembourser ses créanciers d'abord, pas servir son économie, c'est juste survivre. Bref, pour revenir à notre dette, ici je vais parler de concepts et donner des chiffres, mais on va y aller mollo. Je vous le dis, là, c'est nécessaire parce que c'est pour péter la bulle de ceux qui disent n'importe quoi. Chiffrer notre dette et défaire le clownesque compteur de l'Institut économique de Montréal. Vous allez, mettons, vous y allez. Allez voir le compteur. Vous voyez plus de 280 milliards. Là, vous vous évanouissez. En revenant à vous, vous vous relevez. Vous revoyez votre écran, puis vous voyez le chiffre. Bang! Vous vous évanouissez encore. Bon. En vous relevant, là, vous décidez de vous servir de votre tête plutôt que du jambon. Et on doit supposément 280 milliards. Alors, on est chacun endetté de 69 000 $. Mais il y a un truc, un tour de passe-passe là-dedans. C'est la dette brute. On en a parlé plus tôt dans l'émission, c'est la dette brute qu'on vous présente, pas la vraie dette. Et là-dessus, l'auteur écrit ceci. On va lire tranquillement. La dette brute représente la dette émise sur les marchés financiers en obligations, à laquelle on ajoute l'ensemble des engagements du gouvernement envers les régimes de retraite et les avantages sociaux futurs des employés de l'État. On soustrait de cette somme les sommes cumulées dans les fonds des générations, dans le fonds des générations, et on obtient la dette brute. Il est important de savoir que la dette brute ne tient aucunement compte des actifs du gouvernement, par exemple les immobilisations ou les placements. On a parlé beaucoup d'immobilisation plus tôt dans l'émission. La dette nette, quant à elle, prend l'ensemble des passifs, donc les dettes, du gouvernement auxquels on soustrait les actifs financiers qui sont des actifs à court terme, notamment l'encaisse, ainsi que les placements à court terme que l'on peut rapidement transformer en liquidité, si on l'évoquait. Finalement, la dette du secteur public représente la dette brute dont on parlait précédemment, à laquelle on ajoute la dette d'Hydro-Québec, celle des municipalités et de toutes les autres entités gouvernementales, universités, hôpitaux et autres. Bon. Pour y voir clair, demandons-nous, à quoi cette donnée est rattachée? En date du 3 février 2016, si on prend la dette de 280 et quelques milliards de dollars et qu'on divise par la dette attribuée à chaque contribuable, soit 69 348 dollars, on obtient un peu plus de 4 millions de contribuables. Cela représente à peu de choses près, selon les statistiques fiscales des individus pour l'année 2012, le nombre de contribuables imposables, c'est-à-dire ceux et celles qui paient de l'impôt, et donc pas l'ensemble des contribuables et encore moins l'ensemble des citoyens. Hein, c'est là une nuance importante. De plus, les sources de revenus, autrement dit, on prend la partie de la population qui fait l'affaire pour le calcul. Les sources de revenus du gouvernement du Québec ne sont pas seulement l'impôt des particuliers, parce qu'il faut parler des revenus aussi. Il y a l'impôt de société, la taxe à la consommation, les revenus provenant des sociétés d'État comme Hydro-Québec, Loto-Québec, Société des alcools, les cotisations sociales et les transferts fédéraux pour ne nommer que ceux-là. Et puisqu'on parle de la dette du secteur public, il y a aussi toutes les taxes foncières, scolaires et autres contributions diverses qui proviennent de l'ensemble des citoyens. Ramener la dette au seul contribuable imposable donne donc la fallacieuse impression d'une plus importante dette due par chaque individu. Ah, on voit là. Or, la dette du Québec, c'est la dette de l'ensemble de la société québécoise. C'est pourquoi l'usage est de calculer la dette en pourcentage de l'ensemble de ce qui est produit comme richesse. On l'a évoqué, le produit intérieur brut, le PIB, lorsqu'on veut la comparer et ainsi être mieux à même de juger de son importance. Et ça, quand on est sérieux, c'est ça qu'on fait. Le choix des mots est important aussi. Il y a un autre problème avec cette présentation décidément intéressée des faits. Le terme « contribuable » utilisé dans ce contexte a une connotation négative. Le contribuable ne fait que payer, et cela est très réducteur. Au contraire, le terme « citoyen » désigne la personne qui contribue à la société et bénéficie aussi des services qui lui sont offerts par le fait d'appartenir à la dite société. Il est important de le dire puisque la dette publique ne vient pas seule, elle est la source des différents investissements en infrastructure, en éducation, en santé, en culture, en développement économique, et ainsi de suite. Donc, en date du 31 mars 2014, on fait le calcul selon les normes de l'OCDE, de la dette publique du Québec, en utilisant les chiffres du ministère des Finances, cela donnerait un total de 192 milliards. On n'est plus à 200, soit 280, on est rendu à 192, hein, tiens donc. Soit 53 % du PIB, ce qui nous place en dessous de la moyenne de l'OCDE, en dessous. Nous n'ajoutons pas la proportion de la dette fédérale attribuable au Québec comme certains le font parce qu'elle n'est pas sous la responsabilité du gouvernement du Québec et que c'est sa propre dette que celui-ci veut réduire. Ah ben là, c'est plus clair. Le Québec, donc, n'est pas la Grèce et cela vaut aussi pour la dette. La dette de la Grèce, selon l'OCDE, pour reprendre le même là, esprit de calcul dont on vient parler, là, est de plus de 120 % de son PIB, ça c'est en 2014, ce qui est nettement supérieur aux 53 % du Québec. Oh. Troisième partie de l'entretien avec Claude Vaillancourt. Vous allez voir, ici, on suggère des solutions. Des solutions, oui, c'est ça. On suggère des solutions comme permettre aux citoyens de vraiment savoir de quoi est constituée la dette. Ça, c'est important. Et puis, on parle aussi de ce qui est peut-être la pire de toutes les dettes, notre empreinte écologique. D'ailleurs, par rapport à ça, vous avez dû, je présume, quand même lever les yeux au ciel quand on a cessé pendant un certain temps de dire que le Québec, c'était aussi pire que la Grèce. Hein. La Grèce, dont la dette, c'est quoi? C'est 120% à peu près de son PIB. Pour Québec, vous parlez de 50%. On parle pas de la même chose. Non, c'est sûr que c'est tentant, là, évidemment, pas. Si on veut toujours se servir de la dette comme épouvantail, c'est quelque chose qu'on dit souvent dans notre livre. Le discours sur la dette, c'est souvent un discours qui est vraiment fait pour faire peur à la population. Ben, évidemment, on va se comparer au pire pays actuellement. Je pense que le pire pays, c'est vraiment la Grèce, là, où c'est vraiment hors de contrôle. On a imposé à la population des mesures extrêmement drastiques qui fait que le peuple grec est un peuple qui vit dans des conditions épouvantables. Donc, on fait cette association-là, mais cette association-là ne se démontre pas, qui est absolument pas acceptable. On vit dans quelque chose de complètement différent. C'est un amalgame qui est tout simplement inacceptable. Puis je pense que le livre le démontre assez bien. Donc, nous, on est dans une situation où on aurait les moyens de se payer des services publics de grande qualité. Alors imaginez, on s'est privé de milliards de dollars par année et notre dette publique est quand même sous contrôle. Alors imaginez si on avait gardé ces milliards de dollars, donc on aurait une dette à peu près équivalente, mais des services publics et des programmes sociaux d'une qualité tout à fait extraordinaire, hein, peut-être comme dans les pays scandinaves. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est tout simplement parfaitement envisageable et parfaitement possible. Et vous suggérez dans le livre carrément un outil. Vous dites pourquoi on se pose pas les bonnes questions, qu'on se parle pas aux citoyens directement. Oui, exactement. Alors le outil citoyen de la dette, c'est justement on va regarder qu'est-ce que c'est que cette dette. Combien on doit réellement, donc chasser le chiffre de la dette brute qui veut, dans le fond, qui ne veut rien dire, voir un petit peu dans quelles conditions on fait nos prêts, à qui on doit de l'argent, donc vraiment faire la lumière sur cette dette-là, puis nous, on pense que si on fait ça, ben ça va nous mettre à l'abri, justement, des démagogues, des gens qui comparent la dette québécoise à la dette grecque, donc qui nous font peur de toutes sortes de façon possible. Donc, connaître quelque chose, c'est tout le temps un meilleur moyen d'en prendre le contrôle, finalement. Alors, un audit citoyen, c'est ça, c'est fait par les gens, c'est fait par des experts, avec des militants, puis comme ça, on fait une espèce de lumière permanente sur la dette québécoise. C'est drôle, j'ai comme l'impression qu'on ne vous dira pas oui à ça. Oui, ben, c'est-à-dire que il s'agit de le faire. Par contre, c'est assez compliqué comme exercice, là, parce qu'évidemment, ça devient très technique. C'est sûr que ça doit se faire par des experts, mais ceci dit, ça a été fait aussi au Québec d'une certaine manière, comme il y a un chercheur qui s'appelle Louis Gill, qui a examiné, je pense, en détail la dette québécoise. Même Jacques Parizeau l'a fait avant de décéder, donc c'est des gens qui sont vraiment penchés sur la dette avec un regard d'expert, et ils ont dit, justement, publiquement que, dans le fond, oui, on a une dette, il ne s'agit pas de nier, oui, il faut la rembourser, mais justement, ce problème n'est pas aussi grave. Ceci dit, je pense qu'il n'y a personne qui a examiné au Québec dans quelle mesure notre dette a été légitime ou illégitime. C'est-à-dire, est-ce que ça a été fait, est-ce qu'il y aurait une partie de la dette, finalement, qui n'aurait pas été faite de façon honnête ou acceptable, et qui ferait que peut-être on pourrait dire que, regardez, ça, c'est pas correct, ça, on pourrait même éventuellement ne pas la rembourser, mais d'une manière légitime, parce que, évidemment, c'est quelque chose qui n'a pas été fait comme il se doit. Donc ça, il y a comme je disais, il y a une organisation internationale qui s'appelle le CADTM, hein, qui est l'organisation pour le comité pour l'annulement de la dette illégitime, c'est le nom, et justement, il regarde dans différents États comment ont été faites les dettes. Puis finalement, quand c'est quelque chose qui n'est pas acceptable, ben c'est tout simplement dire ben ça, on pourrait ne pas la payer. Mais encore que il faut aussi défaire l'idée que même s'endetter, avoir une dette, c'est encore assez normal, surtout pour un État quand on se paye des infrastructures qui sont très chères. C'est une façon de répartir sur plusieurs années, même sur plusieurs générations, le coût d'un équipement qui sert à tout le monde. Ben oui, tout à fait. Ça, c'est impensable qu'un État puisse se gérer sans emprunter, à moins de générer là, des fortunes absolument exceptionnelles, ce qui n'est pas le cas, je pense, d'aucun État à travers le monde. Et effectivement, plutôt que d'absorber ça d'un coup, ben on le répartit selon des années, ce qui devient d'une certaine manière la dette. Et comme je disais, le problème, c'est pas d'avoir une dette. La question, c'est de faire les prêts dans des bonnes conditions et aussi, d'assurer, de bien gérer cette dette-là. Je pense que c'est le cas au Québec et à peu près tous les experts vont le dire, tous les experts qui regardent ça d'une manière objective, là. Donc, c'est clair qu'il n'y a pas de crise de la dette au Québec. Et nous, ce qu'on dit quand même, ce qu'on pourrait faire, c'est aller chercher davantage de revenus, de toutes sortes de moyens possibles, et sans nécessairement imposer davantage la classe moyenne. Là. On peut avoir des impôts plus progressifs. On peut imposer quand même un petit peu plus les entreprises. On peut s'attaquer à l'évasion et l'évitement fiscal, qui est un problème majeur ici. Donc, il y a toutes sortes de moyens. Pardon? Taxer le capital. Oui, on peut rétablir effectivement la taxe sur le capital. Il y a une coalition opposée à la tarification et la privatisation des services publics, qui est une sorte de solution fiscale, hein, qui fait qu'on pourrait aller chercher des sommes, mais vraiment importantes, pas des sommes mineures, des sommes majeures. On pourrait aller c'est orienté sur le gouvernement du Québec. On pourrait faire la même chose aussi au gouvernement d'Ottawa. Et là, on irait chercher, c'est pas compliqué, des milliards de plus par année. Et à ce moment-là, ben non seulement il n'y aurait aucun problème de la dette, mais on pourrait se payer des services publics et des programmes sociaux de très, très grande qualité. Donc, il faudrait qu'il y ait une volonté politique au lieu de dire, écoutez, on a un problème qui est d'ailleurs discutable, il faut couper partout. Donc, je veux dire, on a un problème qui n'est pas si grave que ça, mais allons chercher l'argent dont on a besoin. Et puis, en terminant, vous dites qu'il y a une dette qui est peut-être pire que les autres, c'est celle de l'empreinte écologique. Ça, je trouve ça audacieux d'oser parler de ça alors qu'on est dans un livre où on devrait, où on pense parler à peu près juste de chiffres. Oui, ça, c'est vrai. Ça, c'était très, très important pour nous. On tenait beaucoup à ce chapitre-là parce que, dans le fond, on n'arrête pas de dire que la dette, hein, et ça, c'est une manière de faire peur aux gens, eh bien, tel enfant va naître avec une dette de X. Bon, d'abord, ça, c'est pas si grave que ça. C'est ce qu'on essaie de démontrer. On nie pas le problème. On dit que c'est pas si grave. Mais dans le fond, ce qui est très grave, c'est ce qu'on est en train de faire à l'environnement. C'est-à-dire qu'on détruit l'environnement. Ça veut dire que les enfants qui naissent aujourd'hui, ben, vont se retrouver avec des dégâts incroyables à réparer qui vont coûter des fortunes, et ça, c'est une véritable dette. Et ça, c'est beaucoup plus dramatique. Et ça, on n'a pas l'impression qu'on fait le travail suffisant pour s'attaquer à ce problème-là. Évidemment, avec quelqu'un comme Trump aux États-Unis, c'est cauchemardesque. Ça va compliquer les choses. aucune préoccupation environnementale. Mais c'est ça qu'on va laisser. Si on s'inquiète de la dette pour ce qui va arriver aux générations futures, ben, ce qui est vraiment grave, ce qui va vraiment toucher les générations futures, c'est la détérioration qu'on fait de l'environnement. Et ça, c'est une vraie dette. Et ça aussi, c'est vraiment à long terme. Passerais-tu 700 milliards pour que mon sort je l'améliore? Toi t'es l'État, je l'ai compris, mais mon bonheur ça a un prix. J'ai peut-être fourgué des hypothèques, vendu des fonds qui étaient à sec, mais t'as pas le choix de tout éponger, sinon c'est toi qui vas plonger. Oh, que c'est triste, si vrai, t'es un beau calice, je sais. j'ai créé des produits toxiques qui ont mené à crise économique. Quand même les banques sont en faillite, t'es mieux de sortir ton cash d'ici. Avec les règles du marché, j'ai tellement ben tout attaché que t'as pas le choix de me secourir. Tu peux même pas me laisser mourir. Oh, comme c'est triste, c'est vrai. T'es dans mon calice, je sais. Les profits sont privatisés, les risques sont socialisés. Car le plus chiant dans toute cette histoire, c'est que je vais m'acheter un autre manoir. C'est triste, c'est vrai. T'es diabolicaliste, je sais. Oh, comme c'est triste, c'est vrai. T'es diabolicaliste, je sais. Oh, comme c'est triste, c'est vrai. C'est ça le capitalisme. Alors, c'est déjà tout pour nous. La dette du Québec, vérité et mensonge, écrit par les gens d'Attaque Québec. Un autre livre de chevet à garder proche-proche. Même pas 150 pages, ça se lit vite et bien. Donc, c'est déjà tout. Merci infiniment à notre invité Claude Vaillancourt, comme ce fut instructif et passionnant. Vraiment. L'émission Le Grain de Sable suit à l'instant. Bonne semaine. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux et à écouter et réécouter en balado. Merci. À samedi prochain.